إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 41 et on commence le chapitre 30 dans le charh de Al-Mulakhas fi charh kitab al-Tawhid. Donc le chapitre 30 s'intitule « Babun ma ja'a fil istisqa ibil anwa » c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du fait de demander la pluie aux étoiles, de chercher à obtenir des étoiles la pluie, parce que c'est une des croyances, parmi les croyances des gens de la Jahiliyyah. Les gens de la Jahiliyyah, parmi les mushrikines, ils s'imaginaient que les étoiles faisait tomber la pluie, ou bien qu'elles avaient un effet dans le fait de faire tomber la pluie. Donc, on va commencer à expliquer donc ce chapitre, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, Babun ma ja'a fil istisqa'i bil anwa, wa qawlillahi ta'ala, wa taj'alouna rizqakum annakum tukadhibun. Wa taj'alouna rizqakum annakum tukadhibun. Ça c'est le verset dans Surat Al-Waqi'ah, les versets à la fin. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Donc ça c'est les versets en question et on va lire la signification de ces versets là inshallah tout de suite. Naam. Ça signifie donc c'est un Coran, c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seul touche les purifiés, et c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Donc avant ça, ça dit non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez, et c'est certainement un noble Coran dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent, c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Donc c'est ça le verset 82, c'est lui que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, c'est le dernier d'entre ceux que je viens de réciter. Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Donc ça, on va voir que cette traduction là, en réalité, c'est seulement une traduction d'une des interprétations de ce verset. Il peut avoir d'autres significations aussi. Il peut être interprété de d'autres façons également. Donc le Cheikh il explique donc, il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid, il dit لما كان نسبة نزول المطر إلى النوم على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر ناسب أن يعقد له المصنف نسب أن يعقد له المصنف بابا في كتاب التوحيد التحذير منه. Donc le cheikh explique que pour quelle raison on a placé ce chapitre dans le kitab al-tawhid, c'est parce qu'étant donné qu'il y a des gens qui attribuent la pluie aux étoiles en croyant que yani, les étoiles ont un effet dans le fait que la pluie tombe, ils pensent que c'est la pluie qui font tomber, ils pensent que c'est l'étoile qui font tomber, ils pensent que ce sont les étoiles qui font tomber la pluie, et donc cette aqida qu'ils ont, c'est une aqida qui est shirk et kuf akbar, puisque yani, ils pensent que, ou ils croient qu'il y a un bien qui peut arriver ou qu'il y a un mal qui peut être repoussé par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou que les étoiles ont un contrôle sur quelque chose dans l'univers. Donc ça c'est des croyances de shirk et de kufr. Hein? Et c'est la même chose que quelqu'un qui croirait qu'un mort ou quelqu'un d'invisible ou d'absent pourrait avoir un contrôle sur le fait de ramener un bien ou de repousser un mal quelconque, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut également être une forme de shirk asrar si la personne croit non pas que la pluie tombe à cause des étoiles, mais uniquement comme étant une cause. Donc ça veut dire qu'ils savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la pluie, mais ils s'imaginent que les étoiles peuvent être une cause là-dedans. Hein? Et dans ce cas-là, c'est une forme de shirk asrar, c'est une forme de shirk mineur. Et étant donné que donc il y a un lien direct avec le sujet du tawhid et du shirk, dans la question de croire en les étoiles, que les étoiles font tomber la pluie, ou des choses où on influence dans la pluie qui tombe. Donc, étant donné qu'il y a un lien direct avec la aqida, eh bien, c'était nécessaire d'en parler dans le kitab al-tawhid et de faire un chapitre à ce sujet-là pour mettre en garde et aller contre ces fausses croyances de la jahiliya. Et le cheikh, il dit ma ja'a min al-wa'id في الاستسقاء أي طلب السقيا ومجيء المطر بالأنواء جمع نوء وهي منازل القمر وهي ثمانية وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل منازل حتى عاد كالعرجون القديم وهي عبارة عن 28 نجما معروفة المطالع في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر ويطلع رقيبه من المشرق وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية وتزعم العرب في الجاهلية أنه إذا غاب واحد منها طلع رقيبه يكون مطر وينسبونه إلى طلوع النجم وغروبه ويقولون مطرنا بنوء كذا وتجعلون رزقكم أي تجعلون نصيبكم من شكر نعمة الله بإنزال المطر يعني التكذيب. Donc le cheikh explique que qu'est-ce qui a été rapporté ou qu'est-ce qui est venu, c'est-à-dire comme menace, qu'est-ce qui a été mentionné dans les textes comme menace au sujet de chercher ou de demander la pluie ou de se faire abreuver ou de faire tomber la pluie par les étoiles. Al-anwa, c'est le pluriel du mot nau, hein, et ce sont les constellations et les positions de la lune, ainsi de suite, les positions dans lesquelles la lune descend et elle se lève et elle monte chaque jour, ou bien chaque mois plutôt, et il y en a 28. Il y en a 28 positionnements ou phases comme ça, et chaque nuit, elle descend dans une position spécifique selon une étoile. Donc, il mentionne le Cheikh le verset 39 dans Sourate Yassin à ce sujet-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset que la lune, il l'a divisée ou il l'a déterminé en différentes phases. La lune a été établie par différentes phases. Et c'est exprimé par 28 différentes étoiles qui sont connues. C'est-à-dire 28 étoiles dont on connaît le positionnement. Et chaque jour, il y en a une qui disparaît et il y en a une autre qui apparaît. Et donc, quand il y en a une qui se couche, ou bien quand il y en a une qui disparaît ou qui apparaît, quand il y en a une qui apparaît disons à l'Orient, il y en a une autre de l'autre côté, il y en a une autre qui apparaît de l'autre direction, ou ainsi de suite. Ça suit le nombre de mois, puis le nombre des années. Puis les Arabes, ils surveillaient ces étoiles-là, et puis ils connaissaient ces différentes étoiles, puis ils s'imaginaient dans la Jahiliya que chaque fois qu'une de ces étoiles disparaissait ou apparaissait, que ça avait un lien avec la descente de la pluie. Et ils attribuaient donc la tombée de la pluie à la venue ou la disparition d'une de ces étoiles dans le ciel. Et ils disaient par exemple, on a reçu la pluie à cause de telle étoile ou de telle étoile, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la signification de cette chose, il y en a de Al-Anwa. Et le Cheikh dit, وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. C'est-à-dire, وتجعلون رزقكم أي تجعلون نصيبكم من شكر نعمة الله بأنزال المطر التكذيب. أنكم تكذبون بنسبة النعم لغير الله من الكواكب. فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. Donc le verset, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, vous avez remplacé la reconnaissance de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'ingratitude et le fait de traiter de mensonge la vérité qui vous est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si, au lieu d'être reconnaissant pour qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, eh bien vous l'attribuez aux étoiles à la place. Vous traitez de mensonge en attribuant ces grâces que Allah vous donne, comme la pluie par exemple, aux étoiles, au lieu de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala et de dire que c'est Allah qui vous donne la pluie. Donc c'est ça la signification. Donc annakum tukadhibun, c'est-à-dire vous traitez de mensonge dans le sens que vous attribuez la pluie aux étoiles et aux astres au lieu de les attribuer à Allah. Al-ma'na al-ijmali lil-aya anna Allah subhanahu wa ta'ala يعيب على المشركين كفرهم بنعمة الله بنسبة نزول المطر إلى النجم ويخبر أن هذا القول كذب محض لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله وتقديره لا دخل فيه لمخلوق. Donc le Cheikh il explique, il dit que la signification générale de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme les mushrikin de leur ingratitude envers la grâce ou par rapport à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils attribuent la pluie aux étoiles, la tombée de la pluie aux étoiles. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ça, c'est un mensonge pur, et que en réalité la descente de la pluie n'a rien à voir avec les créatures, mais que c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, مناسبه الايه للباب ان الله سبحانه وتعالى انكر نسبه نزول المطر الى غيره من النجوم والأنواع وسماه كذبا. Donc, yani, la raison pour laquelle on mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié dans ce verset l'attribution de la pluie à autre que lui parmi les étoiles et les constellations et les positionnements de la lune et ainsi de suite. Et il a mentionné que ça c'était yani un mensonge, hein, que c'était faux d'attribuer ces choses-là à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, juste avant de continuer, je veux juste lire quelques petits passages dans les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen dans son charh Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid à ce sujet-là. Il dit al-istisqa'u bil-anwa' yanqasimu ila qismayn. Donc, le fait de chercher de demander la pluie aux étoiles, hein, c'est divisé en deux catégories. Il y a une catégorie qui est shirk akbar et une catégorie qui est shirk asrar, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, la première catégorie de shirk akbar, elle a deux formes. Elle se manifeste de deux façons. Le shirk, il dit al-oula, an yad'u al-anwa bis-suqya, ka an yaqul ya naw ikaza isqina wa arifna wa ma ashbaha dhalik. فهذا شرك أكبر لأنه دعاء غير الله ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. Donc le cheikh il dit la première manifestation ou la première forme de shirk akbar par rapport à ça, c'est d'invoquer les étoiles et de les invoquer et de leur demander directement de nous faire de la pluie ou de nous donner de la pluie. Et dans ce cas-là, c'est une forme de shirk akbar, parce que toute invocation qui est offerte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou demandée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk akbar. Comme c'est mentionné dans plusieurs versets, le shirk il mentionne des versets à ce sujet-là. Ensuite, il mentionne une autre catégorie. Il dit الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعوها فهذا شرك أكبر في الربوبية والأول في العبادة لأن الدعاء من العبادة وهو متضمن للشرك في الربوبية لأنه لم يدعوها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجات. Oui, c'est ça. Donc, la deuxième catégorie, ou la deuxième manifestation plutôt, c'est le fait d'attribuer la pluie à ces étoiles comme étant celle qui agit par elle-même. Comme si c'était les étoiles par elles-mêmes qui décidaient de faire tomber la pluie en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui avaient le pouvoir de faire tomber la pluie en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la personne qui croit en ça, elle a commis une forme de shirk majeur, même si elle n'a pas invoqué les étoiles ou elle n'a rien demandé aux étoiles, mais c'est quand même une forme de shirk akbar dans ar-rububiyya, c'est-à-dire dans tawhid ar-rububiyya, dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première catégorie, c'est une forme de shirk akbar dans l'adoration, dans l'ibada, parce que le dua, c'est une ibada. Et quand quelqu'un fait le shirk dans l'adoration, le shaykh il dit que ça implique indirectement une forme de shirk dans la rububiyya également. Parce que la personne qui l'invoque, l'invoque uniquement parce qu'elle croit qu'elle a la capacité de faire quelque chose pour nous ou bien de régler nos problèmes ou nos besoins. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un invoque les étoiles, c'est un shirk dans l'adoration. Mais en même temps, c'est relié à une croyance que les étoiles sont capables de faire quelque chose pour faire tomber la pluie. Donc, c'est relié à le shirk dans l'adoration, le shirk firububiyya, le shirk dans al-ibada, il est relié au shirk dans la rububiyya. Il y a un lien entre les deux. C'est ça que le shirk il explique ici. Donc, c'est une forme de shirk majeur. Et c'est une autre forme de shirk majeur ici. La première, c'est dans l'adoration. La deuxième, c'est dans la rububiyya. Et il expliquait que le shirk dans l'adoration, il est indirectement relié, ou même directement relié au shirk dans la rububiyya également. Il y a une deuxième catégorie, c'est la catégorie qui est shirk asghar, c'est-à-dire qu'il y a un shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Et le shaykh il dit al qism al-thani shirk asghar wa huwa an yaj'ala hadhihi al-anwa sababan ma'a i'tiqad an Allah huwa al-khaliq al-fa'il لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. Donc le cheikh il explique que le shirk, la deuxième catégorie qui est la catégorie du shirk mineur, shirk asghar, c'est de faire de ces étoiles là une cause dans la descente de la pluie, tout en croyant que Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui est le créateur et que c'est lui qui fait tomber la pluie. Mais tu dis c'est Allah qui fait tomber la pluie, c'est Allah qui crée la pluie, mais c'est lui qui mais il a fait de ces étoiles là une cause dans le fait que la pluie tombe. Donc ça c'est une forme de shirk asghar. Pourquoi? Parce que tu as fait de quelque chose une cause que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas déterminée ou n'a pas établie comme étant une cause ni dans la révélation ni dans la création. Et donc dans ce cas-là, c'est une forme de shirk asghar. Du moment que tu déclares quelque chose comme étant une cause alors qu'il n'y a aucune preuve ni dans la révélation ni dans les causes naturelles pour dire que c'est une cause, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de moyen de prétendre que c'est une cause. Et si tu le fais, si tu l'affirmes sans preuve, alors dans ce cas-là, ça consiste en une forme de shirk mineur. Non. Donc c'est ça l'explication. Puis en ce qui concerne le verset qu'on vient d'expliquer, وَتَجْعَلُنَا رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ يَعْنِي. Le cheikh il explique que il y a deux significations à la question de ce verset là. Il y a plusieurs interprétations. Il dit قوله تعالى وتجعلون أي تصيرون وهي تنصب مفعولين الأول رزق والثاني أن تجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم. والمعنى تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. Donc comme on a dit tout à l'heure, c'est que vous faites de votre risque une cause de négation, de démentir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites de votre risque une cause dans votre rejet de la vérité ou du fait de démentir ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parce que vous attribuez la grâce d'Allah comme la pluie à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu rizqakum, al-rizq huwa al-ata. والمراد هنا ما هو أعم من المطر فيشمل معنيين. الأول المراد به رزق العلم لأن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم إلى أن قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تخافونهم فتهادنونهم فتداهنونهم وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به وهذا هو ظاهر سياق الآية. نعم. Donc, la première signification des versets qu'on a lus dans Surat Al-Waqi'ah, du verset 75 au verset 83, c'est les versets qu'on a lus au début quand on a donné la traduction qui est mentionnée dans la traduction du Coran. Du fait qu'il dit, dans ces versets, non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez, jusqu'à la fin du verset. Puis, il dit que cette signification-là, quand il parle de risque, c'est le risque de la science que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans ce Coran. نعم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون نعم est-ce que ce discours-là vous le traitez de mensonge et est-ce que vous faites Et est-ce que pour vous, est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter ce Coran de mensonge? Donc, la subsistance ici, dans ce verset-là, selon cette signification, quand on dit que c'est dans ce cas-là, c'est le ilm. C'est le ilm, c'est-à-dire la révélation du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Hein? Donc, vous faites, au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour la science qu'il vous a donnée et la révélation qu'il vous a donnée, eh bien, vous le traitez de mensonge au lieu d'y croire. Donc, ça c'est une première interprétation et c'est celle qui a été mentionnée dans l'interprétation qui a été traduite en français dans la copie de la version de la traduction de Médine. Tandis que la deuxième signification, le cheikh il dit al-muradu bir-rizqi al-matar. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر والتكذيب به نسبته إلى الأنواء وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. Donc c'est ça. Donc la deuxième signification, c'est que le risque dont on parle dans le verset, c'est la pluie. Il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutefois il est faible. Il est rapporté par At-Tirmidhi, mais il est faible. Tandis que il y a une athar de Abdullah ibn Abbas qui est authentique et qui explique que qu'est-ce qu'on veut dire par le risque, la subsistance dans ce verset, c'est la pluie. Et que de traiter de mensonge, c'est dans le fait d'attribuer la pluie aux étoiles. Et c'est dans ce sens-là que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné ce verset-là dans ce chapitre. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il dit ici, « Al-qa'idatu fi al-tafsir anna al-aya idha kanat tahtamilu al-ma'nayayn jami'an biduni munafat » تحمل عليهما جميعا وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. Donc le cheikh il explique qu'il y a une règle dans le tafsir. Et la règle c'est quoi? C'est que si un verset peut signifier deux significations différentes sans que une vienne en négation de l'autre ou en opposition avec l'autre, alors on prend les deux significations ensemble. C'est-à-dire on utilise les deux interprétations, les deux significations. Et c'est pour ça que on peut pas se baser sur des traductions pour comprendre le Coran seulement, puisque les traductions vont te donner seulement une des deux significations. Elles peuvent pas te donner les deux significations en même temps, hein? À moins que ce soit un tafsir. Hein? Donc si quelqu'un va traduire, il va traduire seulement une des significations possibles. Et non pas toutes les significations possibles en même temps. Et c'est pour ça que on peut pas se baser uniquement sur une traduction pour comprendre le sens du Coran. Et donc le cheikh dit ici a deux significations possibles. On prend les deux. Toutefois, s'il y a une opposition entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre les deux significations, dans ce cas-là, on va rechercher la preuve qui va indiquer laquelle des deux est correcte. Ou laquelle des deux est vraie. Donc, ça c'est à ce sujet. Aynab. Maintenant on va revenir au tafsir, pas au tafsir, mais au sharh de Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh il explique les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset. Il dit Yustafadu min al-aya ibtalu nisbati nuzul al-matar ila al-anwa. C'est-à-dire, on peut tirer de ce verset comme premier point la fausseté d'attribuer la pluie aux étoiles. ثانياً أن نسبة نزول المطر إلى إلى إلى النوء كذب. C'est-à-dire, le fait d'attribuer la descente ou la tombée de la pluie aux étoiles, c'est un mensonge. وثالثاً وجوب شكر الله على نعمه ووجوب نسبة نزول المطر إليه تفضلاً منه وإحساناً. Il dit l'obligation d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers ses grâces, et l'obligation d'attribuer la descente de la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala, et de dire que c'est par sa grâce et par sa bonté envers nous. Tayyib. Donc on va lire l'autre preuve qui est mentionnée dans le chapitre. Le cheikh il mentionne le hadith suivant. Il dit « وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مَالِكَ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب نعم donc le cheikh il explique il dit selon Abu Malik al-Ash'ari c'est un sahabi, c'est un sahabi, et si vous voyez Al-Ash'ari, Ash'ari ça veut dire qu'il est de la tribu des Asha'ira, et il y a des gens parfois ils pensent que quand on parle de la aqida des Asha'ira, ils pensent que c'est par rapport aux sahaba comme Abu Musa Al-Ash'ari ou Abu Malik Al-Ash'ari, ça a par rapport avec les sahaba. Parce que Abu al-Hassan, celui qui a fondé ou qui a établi la secte des Asha'ira à l'origine, il s'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari, et c'est quelqu'un qui est né en 260 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'a rien à voir avec les sahaba. Il est venu bien longtemps après. D'accord? Donc il ne faut pas mélanger les choses. Faut juste comprendre que il vient de cette tribu, oui, mais il n'est pas un sahabi. Hein? Donc, on a déjà parlé de ça. C'est quelqu'un qui a passé par trois étapes. Premièrement, il était 40 ans dans sa vie. De sa vie, 40 ans, il a été dans la secte des Mu'tazila. Puis après, il a quitté les Mu'tazila. Il a suivi Al-Kullabiyya. Et ensuite, il s'est repenti avant sa mort. Et il a écrit deux livres, Al-Ibana, fi Usul al-Diyana, et Maqalat al-Islamiyin, et il dit dans ces livres-là qu'il est revenu à la aqidah d'Ahl al-Sunnah, la aqidah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est-à-dire l'affirmation de toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc, c'est ceux qui suivent l'Ash'ari aujourd'hui, ils suivent sa période Kullabiyya, ils suivent la période de Abu al-Hassan, quand il était Kullabi, c'est-à-dire après avoir quitté les Mu'tazila et avant d'avoir suivi la Aqida de l'imam Ahmad et des imams de Ahlus Sunnah. Donc, ils suivent sa période intermédiaire, sa période de transition. Ils ne suivent pas sa période terminale qui était la bonne, celle qui était quand il était sur la Sunnah. Donc, il faut juste comprendre ce petit point-là, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce hadith qui est rapporté selon Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a quatre choses dans ma umma qui font partie des choses de la jahiliya que les gens ne vont pas délaisser. Al-jahiliya, ça veut dire l'ignorance. La période de l'ignorance, c'est-à-dire la période pré-islamique. Hein, et il y a quatre choses que les gens ne vont pas cesser de faire parmi les choses de la jahiliya. La première, c'est de se vanter de nos ancêtres, hein, d'être fier de nos ancêtres et de nos parents et tout. Et la deuxième, c'est d'insulter les liens ou les origines des autres, hein, d'insulter les origines des autres. Et troisièmement, de demander ou de chercher la pluie des étoiles, de penser que la pluie tombe des étoiles. Et la quatrième chose, c'est les lamentations pour le mort ou bien les éloges qu'on fait pour le mort lorsqu'il meurt, des trucs de ce genre. Et il a dit ensuite, والنائحه c'est la personne qui fait niaha. En général, c'était des femmes qui faisaient ça, qui faisaient les lamentations, les trucs comme ça. Et bien, si elle ne se repent pas avant sa mort, au jour de la résurrection, elle sera ressuscitée avec un vêtement de goudron et une robe de gale. Une robe de gale. C'est-à-dire, al-jarab, c'est une maladie de peau. C'est de la gale, ça s'appelle en français. Hein? Donc, elle sera ressuscitée avec ça. Au jour de la résurrection, c'est rapporté par Muslim. C'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Donc, par rapport à ça, le cheikh il dit, cheikh Al-Fawzan, il dit, أبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي صحابي donc il s'appelle الحارث fils de الحارث et parmi les questions de la جاهلية il dit من أمر الجاهلية c'est-à-dire les affaires qui font partie de la جاهلية il dit المراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة سموا بذلك لفرط جهلهم وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. Donc le cheikh il dit que quand on dit des choses de la jahiliya, qu'est-ce qu'on veut dire par la jahiliya ici? C'est qu'est-ce qui était avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on l'appelle comme ça, on l'appelle jahiliya à cause de la grande ignorance dans laquelle ils étaient. Ils ne connaissaient pas leur Seigneur, ils ne connaissaient pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils vivaient dans le shirk et dans le kufr. Donc ils étaient dans la jahiliya. Ils n'avaient pas de moyen de connaître la guidance et la vérité. C'est-à-dire avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute chose qui contredit ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors on dit de cette chose que c'est jahiliya, que c'est de l'ignorance. Et on voit que dans le Coran et dans la Sunna, chaque fois que quelque chose est mentionné comme étant quelque chose de la jahiliya, tout de suite, ça veut dire que c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de blâmable. D'accord? Donc, on voit par exemple les quatre caractéristiques qui sont mentionnées ici, qui font partie de la jahiliya. Et il y a d'autres exemples aussi de ça dans le Coran aussi. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Donc, il parle de l'exhibition des femmes de la jahiliya, c'est-à-dire qui montraient des parties de leur corps, de leur charme aux hommes. Hein? Des parties de leur poitrine ou des parties de leur corps, elles montraient ça aux hommes. D'accord? Donc ça c'était là une forme de tabarruj qu'ils appellent tabarruj al-jahiliya. Donc du fait que c'est attribué à la jahiliya, automatiquement ça veut dire que c'est pour blâmer cette chose. Ensuite, il est important de comprendre aussi à propos de la jahiliya, quand on dit quelque chose de la jahiliya, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de jahiliya. Il n'y a plus de jahiliya absolue ou générale. Il n'y a qu'une jahiliya relative, c'est-à-dire une jahiliya relative à un individu ou relative à certaines actions, mais pas une jahiliya de façon générale. Et donc c'est pas permis à quelqu'un de dire par exemple la jahiliya de l'époque moderne ou bien on est dans une jahiliya ou des choses comme ça, puisque tant qu'il y a le Coran présent, tant qu'il y a la Sunna présente, on peut pas dire qu'il y a qu'il y a l'ignorance et qu'on est dans la période d'ignorance, hein, parce qu'il y a des auteurs comme par exemple Sayyid Qutb qui a fait le takfir de la Ummah et qui a écrit des livres qui mentionnent par exemple, dans lesquels il dit la jahiliya du 20e siècle, hein, des choses comme ça. Donc on n'a pas le droit de dire qu'on est dans une jahiliya après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut y avoir des manifestations de jahiliya ou certains aspects de la jahiliya, mais on ne peut pas le dire de façon générale ou absolue de cette façon. D'accord? Donc le cheikh ensuite il explique, donc il dit لا يتركونهن أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. Donc il y a des choses de la jahiliya, il y en a quatre en particulier que les gens ne vont pas délaisser parmi les gens de ma umma. C'est-à-dire que dans la umma, il y a des gens qui vont faire ça soit avec connaissance, c'est-à-dire ils savent que c'est interdit puis ils le font quand même, ou bien avec ignorance, par ignorance. Et la première c'est al-fakhru bil ahsab et at-ta'azzum 'ala an-nas bil aba'i wa ma'athirihim. C'est comme par exemple quelqu'un qui dit ah, moi je viens de tel pays, de telle tribu, de telle famille, de telle origine, nous on est fort, on est comme ci, on est comme ça, on est bon, on a fait des grandes choses, on a fait dans le passé, dans nos ancêtres, on a fait ci, on a fait ça. Ça c'est pas permis de se vanter de nos ancêtres de cette manière. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit seulement dire Alhamdulillah. C'est tout. Mais il ne faut pas commencer à se vanter devant les autres. D'accord? Ensuite, At-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, ay al-wuqu' fiha bil-aybi wat-tanaqqus. Donc tu insultes les autres dans leurs origines. Tu dis ah, toi t'es un noir, t'es un nègre, t'es un esclave, ou bien des choses comme ça, comme les gens ils disent, Allah al-musta'an. Même parmi des musulmans parfois, toi t'es un esclave, vos ancêtres sont des esclaves, vous êtes pas bon, vous êtes ci, vous êtes ça. Ça c'est pas permis. Et il y a une histoire qui est arrivée justement à un des sahaba. C'est arrivé justement, c'était un parmi les grands sahaba, un des bons sahabi, et il avait insulté un sahabi en dénigrant sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toi tu es une personne qui a en elle de l'ignorance. Innaka mru'un fika jahiliya. Le sahabi, quand il a entendu ça, ça lui a fait vraiment... Ça lui a fait vraiment comprendre l'erreur qu'il avait faite. Alors, à ce moment-là, il a mis son visage par terre et il a demandé à l'autre sahabi qu'il venait d'insulter de mettre son pied sur son visage. Donc, c'est pour dire à quel point il avait compris le mal qu'il avait fait. Donc, c'est pas permis d'insulter les gens et d'insulter leurs ancêtres ou d'insulter leurs origines. Puisque de toute façon, on vient tous de Adam et de Ève. C'est nos premiers parents. Peu importe. On a tous une origine commune. Donc, commencer à s'insulter les uns les autres. Et en plus, Adam et Ève, ils viennent de quoi? Ils viennent de la terre. C'est comme, il y a une parole, je ne sais pas si c'est un hadith ou non, mais ça dit « Kullukum min Adam wa Adam min Turab ». On le répète souvent. Et ça dit donc, vous êtes tous de Adam et Adam vient de la terre. Donc pourquoi vous allez vous penser meilleur qu'un autre? Allahu al-musta'an. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans des versets dans le Coran à ce sujet-là, inna akramakum 'indallahi atqakum. Le plus noble pour Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous, c'est ceux qui sont les plus obéissants à Allah et qui s'écartent le plus de qu'est-ce qu'il a interdit et qui ont at-taqwa. C'est ça at-taqwa. Tu fais ce que Allah ordonne, tu t'écartes de ce qu'il a interdit. C'est ça, at-taqwa. Donc, c'est ceux-là qui sont les plus nobles. C'est pas ceux qui ont une origine, ou ceux qui ont ci, qui ont ça, qui viennent d'une grande famille, d'une grande tribu, qui ont du respect et tout, et puis qu'ils obéissent pas à Allah, et qui s'écartent pas de ce qu'Allah a interdit. Ensuite, il dit, وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواع. C'est-à-dire le fait de chercher la pluie des étoiles, d'attribuer la pluie aux étoiles. Ça c'est une autre caractéristique des choses de la jahiliya. Et la quatrième, c'est النياحة رفع الصوت والندب على الميت. Donc c'est ça, c'est lorsque quelqu'un il meurt, quelqu'un va commencer à crier, des femmes commencent à crier, commencent à faire des lamentations, ainsi de suite. Et dans certains pays, dans certaines époques, lorsque des gens, lorsqu'il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens qui payaient, il y avait des femmes spécialistes dans les lamentations, et puis on les payait pour venir se lamenter lors de la mort de quelqu'un. Hein? Donc elles venaient, puis on leur donnait de l'argent, puis là elles commençaient à pleurer, puis crier, puis des choses comme ça. Donc ça fait partie de niyaha, et ça fait partie des exemples de jahiliya. De même que, qu'est-ce que font certaines personnes lorsque quelqu'un meurt, ils vont se lever, puis ils vont faire un discours, puis ils vont commencer à dire toutes les bonnes qualités de la personne. Ah, il était bon, il était comme ci, il était comme ça, il faisait ci, il faisait ça. Ça aussi, ça fait partie de niyaha. C'est pas permis de faire ça. Le cheikh, il dit ensuite, وَتُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُ مِنْ قَبْرِهَا وتوقف يوم الحساب والجزاء. نعم. Donc au jour de la résurrection, la femme qui fait ça, on va la ressusciter et puis on va l'amener pour être jugée et recevoir sa rétribution, et on va lui mettre une robe de goudron. Hein? Et en fait, le cheikh il explique, il dit سربال من قطران ثوب من نحاس مذاب تلتخ به فيصير كالثوب. Cheikh il dit que le qatran, c'est en fait il dit que c'est du cuivre fondu qu'on va lui faire couler dessus, puis qui va la couvrir comme un vêtement. A'udhu billah. Et wa dir'un من جرب. الشيخ يقول الدرع ثوب ينسج من حديد ويلبس في الحرب. اي نعم. والدرع سي ان بوكليير pas un bouclier, une armure, mais aussi ça peut être une robe aussi. On l'utilise aussi pour désigner une robe, mais c'est un vêtement qu'on porte, c'est fait en métal. من جرب. C'est donc une robe de. Il va être couvert de gale, en fait. C'est ça qu'il. Ça signifie qu'il va être couvert de gale. L'instant. Ensuite, le cheikh, il dit le ma'na al-ijmali, l'il-hadith. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي التي كان يفعلها الناس قبل البعثة. وذلك يتمثل في أربع خصال. وهي التعاظم بالآباء مع أنه لا شرف إلا بالتقوى، وتنقص أنساب الناس وعيبها، ونسبة نزول المطر إلى طلوع النجوم والأنواء، ورفع الصوت بالبكاء على الميت وندبه. ثم يبين الوعيد في حق الخصلة الأخيرة بأن من استمر عليها من غير توبة فإنه يأتي يوم القيامة متلطخا جسمه بالنحاس المذاب حتى يكون ذلك كالقميص وتشتعل به النار وتلتصق بجسمه فتنتن رائحته. أعوذ بالله. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit la signification générale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que dans cette umma, il y aura toujours certaines formes de péchés qui vont se faire de la part des gens jusqu'à la résurrection. Et que ce sont des péchés que les gens pratiquaient avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elles sont manifestées ou elles sont de quatre catégories, ou bien disons, elles se manifestent dans quatre façons, de quatre sortes de péchés qui vont persister en particulier. Et c'est par exemple le fait d'exagérer dans le fait de se vanter de la noblesse de nos ancêtres, puisqu'il n'y a pas de noblesse excepté par la piété, taqwa, et également le fait de dénigrer les origines des autres, le fait d'attribuer la pluie aux étoiles, et le fait d'élever la voix en criant et en pleurant lorsque quelqu'un meurt, hein, et le fait de vanter la personne, puis parler en bien de la personne, ainsi de suite. Puis ensuite, les menaces qui sont mentionnées au sujet de la personne qui fait ce genre de lamentation, et ça c'est ce qui est mentionné à la fin, c'est que si la personne, elle continue à faire ça sans se repentir avant sa mort, elle va être ressuscitée au jour de la résurrection, et on va lui mettre sur elle du cuivre fondu qui va la recouvrir jusqu'à ce que ça lui fasse comme un vêtement, comme une robe qui le couvre, et on va l'enflammer, on va la mettre en feu jusqu'à ce que ça colle sur son corps et que ça dégage une odeur qui est mauvaise. Ensuite, le cheikh il dit: مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. Donc on a mentionné ce hadith dans ce chapitre parce que il y a la preuve de l'interdiction de chercher ou de croire que la pluie vient des étoiles, et que ça fait partie des questions de la jahiliya, des choses de la jahiliya. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit de ce hadith, ou comme bienfait de ce hadith? Premièrement, تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. L'interdiction de demander la pluie aux étoiles ou de chercher la pluie des étoiles, et que ça fait partie des choses de la jahiliya. Deuxièmement, أن ما كان من أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait partie des choses de la jahiliya? C'est pas tout le monde qui vont les abandonner, malheureusement. Et troisième point, anna ma kana min amr al-jahiliya wa fi'lihim fa huwa mazmum fi din al-islam. Troisièmement, ce qui fait partie des choses de la jahiliya et des actes de la jahiliya, c'est quelque chose qui est blâmé dans l'islam. Quatrièmement, man'u at-tashabbuh bil jahiliya. Quatrièmement, l'interdiction de ressembler à la jahiliya. Cinquièmement, tahrim al-iftikhar bil ahsab wa annahu min umur al jahiliya. Cinquièmement, l'interdiction de se vanter de nos origines et de nos ancêtres, et que ça fait partie des choses de la jahiliya. Sixièmement, tahrim al-wuqu' fil ansab bi dhammiha wa tanaqqusiha. L'interdiction d'insulter les origines des gens et de les rabaisser à cause de leurs origines, de dire: ah, toi t'es pas arabe, ou toi t'es pas ci, ou toi t'es pas ça, hein, ou bien nous on est meilleurs, hein, on est de tel pays, de telle origine, de telle tribu, de telle caste, de tel ci, de tel ça. Tout ça c'est de la jahiliya, hein. Après تحريم الوقوع في وتحريم النياحة وبيان عقوبتها وأنها من الكبائر. L'interdiction de se faire des lamentations pour un mort, de crier ou de pleurer, de commencer à s'arracher les cheveux, de tirer les, se griffer les joues, de se déchirer les vêtements, et ainsi de suite. Et la mention de du châtiment de la personne qui fait ça, et que ça fait partie des grands péchés. ثامنا التوبة تكفر الذنب وإن عظم. Huitièmement, il y a la preuve dans ce hadith que la repentance expie les péchés, efface les péchés, même si ce sont des grands péchés. Et huitièmement, أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره. Neuvièmement, et ça c'est important, c'est qu'un musulman, il est possible qu'un musulman ait une caractéristique de la jahiliya en lui, sans que cela n'implique qu'il soit nécessairement mécréant. Ensuite, on va lire le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Il dit: وَلَهُمَا عَنْ زَيْدٍ إِبْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِي قَالَ صَلَّ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قال قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس معناه في وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. Donc le cheikh il explique, il dit que il a été rapporté également par Al-Bukhari et Muslim selon Khalid Al-Juhani qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Subh dans Al-Hudaybiyah, à l'endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, après qu'il y a eu de la pluie qui soit tombée du ciel. Lorsque les gens se sont retournés, lorsque les gens ont terminé de prier, plutôt lorsqu'ils ont prié la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les gens et il leur a dit: est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit: Allah et son messager savent mieux. Votre Seigneur a dit ce matin, mon serviteur, il y a de mes serviteurs qui se sont levés, se sont réveillés croyants en moi et mécréants. Il y a de mes serviteurs certains qui se sont réveillés croyants en moi et d'autres mécréants. En ce qui concerne celui qui a dit on a reçu la pluie par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, celui-là il a cru en moi et il a mécru en les étoiles et en les constellations. Tandis que celui qui a dit nous avons reçu de la pluie de telle ou de telle étoile, alors celui-là il a mécru en moi et il a cru en cette étoile. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ensuite Al-Bukhari et Muslim ils ont rapporté également un hadith de Ibn Abbas dont la signification est que certains d'entre eux avaient dit telle étoile a été véridique. Parce que les Arabes dans la Jahiliya, avant l'islam, ils disaient par exemple que si par exemple il y avait telle étoile qui se levait, ils disaient on va avoir la pluie de telle étoile. Puis si la pluie tombait pas, ils disaient ah cette étoile elle a menti. Et si la pluie tombait, ils disaient ah cette étoile a été véridique parce que la pluie a tombé. Donc c'est des exemples comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset. Les versets qu'on a lu tout à l'heure dans sourate Al-Waqi'a, fala uqsimu bima waqi'in nujum. Il y a des choses comme ça que j'avais appris quand j'étais petit, des gens qui m'avaient dit par exemple si tu vois par exemple le soir quand le ciel est orange, ça veut dire que demain il va pas y avoir de pluie. Des exemples comme ça, des gens ils racontent ça. Et quand je grandissais, j'avais toujours cette idée dans ma tête que quand le ciel le soir est orange au coucher de soleil, ça veut dire que le lendemain il y aura pas de pluie. Et puis des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Donc il faut pas croire en ce genre de choses là. Il faut savoir que la pluie c'est Allah qui décide quand elle tombe et quand elle tombe pas, et c'est par sa volonté et par sa prédestination. Donc il faut être convaincu de ça. Le cheikh il explique maintenant les détails de ce hadith et de la signification. il explique premièrement la biographie de qui est en fait le qui est Zayd ibn Khalid. Il dit wa huwa al-Juhani al-Madani sahabiyun mashhur. Donc Zayd ibn Khalid, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est célèbre, qui est de la tribu de Juhana, si je ne me trompe pas, c'est ça, parce qu'il est Juhani, et il est Madani puisqu'il a vécu à Médine. Donc c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit que il dit sallalana ay salladina fallam bima'na al-ba al-hudaybiyya qaryatun sumiyat bi bi'ri hunak bi bi'rin هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن شميسي الشميسي الشميسي. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, c'est-à-dire il les a dirigés dans la prière dans une ville ou dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyya. Et le Al-Hudaybiyya, c'est le nom d'un puits, c'est le nom d'un puits dans cette région, et c'est une étape lorsqu'on va vers la Mecque, hein, une ville qu'on appelle Al-Hudaybiyya sur le chemin de la Mecque. Aujourd'hui, on l'appelle Al-Shumaysi. Ifri bikasri al-hamza ma ya'qubu shay. Donc, ala ifri sama. Ifri, ça veut dire quelque chose qui vient après. Hein. Donc, ala ifri, ça veut dire à la suite de. Sama, c'est la pluie. Cheikh dit sama, matarun. سمي بذلك لأنه ينزل من السماء وهي كل مرتفعة. Donc on appelle la pluie en arabe sama. Sama, ça veut dire le ciel, sauf que on l'utilise aussi pour désigner la pluie, puisque la pluie tombe du ciel, hein, et en particulier des nuages, mais on appelle tout ce qui est au-dessus de quelque chose sama, d'accord. Donc ça c'est à ce sujet. Après il dit min al-layl, c'est-à-dire ay kana tilka al-layla, c'est-à-dire cette nuit-là il y a eu de la pluie. Falamma sarafa ay iltafata ila al-ma'mumin wa laysa al-murad al-insiraf min al-makan. Donc quand il s'est tourné, c'est-à-dire quand il a fini de dire la prière, il a fait le taslim, puis là il s'est tourné vers les gens. Ça ne veut pas dire qu'il a quitté cet endroit-là, ça veut dire qu'il s'est retourné vers en face des gens. Et il leur a demandé atadrun lafz istifham ma'nahu at-tanbih. Est-ce que vous savez, hein, savez-vous? C'est dans le but de prendre leur attention puis de leur poser la question, c'est est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Et il a expliqué par la suite que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il dit min ibadi al-murad al-'ubudiyya al-'amma. Qu'est-ce qu'on veut dire par de mes serviteurs ici? C'est pas en fait de mes serviteurs de façon spécifique dans le sens des musulmans, les croyants. C'est mes serviteurs de sens général, dans le sens tous les êtres humains, toutes les créatures, parce que toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah, des esclaves d'Allah, des créatures d'Allah. C'est dans ce sens-là. Donc, parmi mes serviteurs, c'est-à-dire parmi les hommes, il y en a qui se sont levés croyants. Et il y en a qui sont levés mécréants. Kafirun ay al-kufr al-asrar. Il dit c'est kafir dans le sens d'un kufr mineur. Hein? Et celui qui a dit on a reçu la pluie, mutirna binaw i kaza wa kaza, ay nasab al-matar ila ghayrillahi, wa huwa ya'taqidu anna al-manzil al-munazzil lahu huwa Allah. Donc, celui qui dit, celui qui a attribué la pluie à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre, alors celui-là, il a commis un kufr asghar, parce qu'il a attribué la pluie à autre que Allah, alors qu'il sait que c'est Allah qui fait tomber la pluie, mais il l'attribue aux étoiles, par exemple. Il croit que c'est une cause. Donc, ça, c'est une forme de shirk asghar. Toutefois, comme on l'a expliqué, s'il croit que les étoiles, c'est elles qui décident, c'est elles qui font descendre la pluie de manière indépendante, alors dans ce cas-là, c'est un kufr akbar. Hein? Et le cheikh, il dit donc, sadaqa nou kada, ça c'est dans la parole de Abdullah ibn Abbas par la suite, quand il a dit sadaqa nou kada wa kada, ay sadaqa sahab wa matar al-najm al-fulani. Donc il dit le nuage et la pluie de telle étoile a dit vrai, et ainsi de suite. Ou bien ainsi de suite. Le nuage et la pluie de l'étoile de telle étoile ont dit vrai, ou des choses comme ça. Donc ça c'est des croyances de la jahiliya, hein. Et ça c'est du shirk. Des fois ils disent elle a dit vrai, des fois ils disent elle a menti. Fala uqsim. Donc là il revient sur le verset, il dit fala uqsim hada qasamun min Allah azza wa jal wa huwa yuqsimu bima yasha'u min khalqihi. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit pas quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit fala uqsimu, ça veut pas dire comme certains, par exemple, quand ils commencent à apprendre l'arabe, il y a quelqu'un qui mentionnait ça, il disait, quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, j'ai lu le verset dans Surat al-Qiyamah. La uqsimu biyawm al-Qiyamah. Donc lui, il dit, moi quand j'ai lu ça, je pensais que Allah, il dit qu'il ne jure pas par le jour de la résurrection. Parce que c'est là, c'est une négation. Donc en général, il s'imagine que ça veut dire, Allah, il ne jure pas. Mais c'est pas ça que ça signifie. Ici, dans ce sens-là, c'est là, ça ne signifie pas une négation. Au contraire, c'est pour confirmer, puis pour mettre plus de force sur le fait qu'il jure par cette chose-là. C'est-à-dire, comme ici, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ça veut dire qu'il jure par les positions des étoiles. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre l'arabe avant de commencer à essayer d'interpréter ou de parler des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque si on ne se base pas sur une connaissance correcte, on risque d'interpréter les choses et de déformer les sens. Donc ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui jure par ce qu'il veut de sa création, et là ici il jure par les constellations et les positions des étoiles. Mawaqi' al-nujum ay matali' al-kawakib wa magharibiha ala qawli al-akthar min al-mufassirin. C'est-à-dire les positionnements des étoiles à l'est, yani qui se lèvent et qui se couchent, yani il y a des étoiles qui se lèvent et des étoiles qui se couchent ou des choses comme ça. Ça c'est la parole de la plupart des savants de tafsir. Ensuite il dit wal ma'na al ijmali lil hadith. La signification générale de ce hadith, il dit yadhkuru lana hadha as-sahabi al-jalil ma kana min irshad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi bi munasabati nuzul al-matar wa ma yanbaghi lahum an yaquluhu 'inda dhalika. فيروي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه حينما امتحن الناس بإنعامه عليهم بإنزال الغيث الذي فيه حياتهم انقسموا إلى قسمين: قسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إليه على وجه الشكر، وقسم أنكر فضل الله ونسب النعمة إلى طلوع النجم أو غروبه، وسمي عمل الأول إيمانا وعمل الثاني كفرا. Donc il explique la signification générale de ce hadith. Il dit que ce sahabi il explique donc les orientations et les explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour guider sa umma, comment il a guidé la umma. Et c'est à l'occasion de la pluie qui était tombée, il a voulu leur faire comprendre yani la aqida qu'on doit avoir par rapport à la descente de la pluie et par rapport aussi au fait d'attribuer les grâces à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut à ce moment-là leur clarifier ces questions-là, puisqu'il y a des croyances fausses qui étaient propagées parmi eux à cette époque, du fait que il y avait des mouchriquines qui croyaient en des fausses croyances à ce sujet-là. Donc il leur a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là, et il mentionne que lorsque la pluie a tombé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette grâce, il les met à l'épreuve, hein, dans leur, dans cette pluie qui est en fait une des causes de la vie en fait, puisque c'est par l'eau qu'on arrive et par la pluie que la terre vit, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre la terre et nourrit les rivières et les animaux et les plantes, ainsi de suite. Donc il a expliqué que les hommes à ce moment-là, ils sont divisés en deux catégories. Une catégorie qui reconnaît la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui reconnaît qui est reconnaissant envers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une autre catégorie qui rejette la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'attribue à la levée d'une étoile ou au coucher d'une étoile ou des choses de ce genre. Et donc la première catégorie, ceux qui reconnaissent la grâce d'Allah, il l'a appelé iman, et il a appelé la deuxième action, c'est-à-dire d'attribuer cette grâce aux étoiles, ainsi de suite, il l'a appelé kufr. Et dans une autre narration, dans la narration qui est d'Ibn Abbas, il dit « وَفِي رِوَيَةِ إِبْنُ عَبَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ هِيَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَمَا بَعْدَهَا نَزَلَتْ فِي إِنْكَارِ نِسْبَةِ نُزُولِ الْمَطَرِ إِلَى النُّجُومِ » Donc il explique que dans la narration d'Ibn Abbas, que ces versets-là sont révélés dans Surat Al-Waqi'a, le verset 75 jusqu'à 82. C'est pour expliquer justement la réfutation de ceux qui nient la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de la pluie et qui l'attribuent aux étoiles. Ensuite, مناسبة الحديث للباب أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسميته كفرا وكذبا. C'est-à-dire la raison pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dans ce hadith l'interdiction d'attribuer la pluie aux étoiles et des choses de ce genre, et de l'appeler kufr, ou de l'appeler que ça c'est une forme de kufr et que c'est une forme de mensonge. Et le cheikh, il explique aussi, le cheikh Al-Fawzan, il expliquait aussi que d'attribuer la pluie à Yahani aux étoiles, ça fait partie d'un exemple, mais ça se limite pas juste au fait d'attribuer la pluie aux étoiles. Si c'est quelqu'un par exemple qui va attribuer la pluie à d'autres créatures que les étoiles, et qui croit qu'il y a des créatures qui peuvent avoir un contrôle sur la descente de la pluie ou des choses de ce genre, eh bien ça aussi ça rentre dans cette catégorie là c'est pas nécessaire que la personne attribue ça seulement aux étoiles. Hein, si quelqu'un par exemple attribue la pluie, supposons que quelqu'un attribuait la pluie au soleil ou à la lune, ou attribuait la pluie aux arbres ou au vent ou des choses de ce genre, ben là c'est la même chose, hein. Ensuite le cheikh il mentionne les points qu'on peut tirer de ce hadith. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسميته كفرا. L'interdiction d'attribuer la pluie aux étoiles et que ça a été nommé kufr, ça a été appelé kufr. Deuxièmement, مشروعية تعليم الناس وتنبيههم على ما يخل بالعقيدة. Deuxièmement, l'obligation d'enseigner aux gens leur aqidah et de leur expliquer qu'est-ce qui vient annuler ou faire causer une défaillance dans leur aqidah. Troisièmement, وجوب شكر الله على النعمة وأنه لا يجوز إضافتها إلى غيره. Troisièmement, donc l'obligation d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces, et qu'il n'est pas permis de les attribuer à autre que lui. Rabi'an, ilqa' at-ta'lim ala tariqati as-su'al wal-jawab. لأنه أوقع في النفس. Donc le 3, j'ai dit, c'est l'obligation d'être reconnaissant envers la grâce d'Allah et que ce n'est pas permis de l'attribuer à autre que lui. Quatrièmement, de donner des enseignements aux gens en utilisant la méthode de la question et de la réponse. Et que ça, c'est une méthode qui fait que la connaissance, elle reste plus fermement ancrée dans l'esprit. Cinquièmement, أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه. Lorsque quelqu'un on lui pose une question au sujet de quelque chose dont il ignore la réponse, il doit s'arrêter, il doit s'abstenir de répondre et remettre la science à celui qui la détient, c'est-à-dire de dire Allahu a'lam. Sixièmement, وصف الله بالفضل والرحمة, la description ou l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de la grâce et de la miséricorde. De décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme possédant ces attributs-là. Ensuite, وأن من كفر وأن من الكفر ما لا يخرج من الملة. Et que dans le kufr, il y a des catégories qui ne font pas sortir de la religion. Donc ça, c'est la conclusion donc du chapitre 30. On a terminé ce chapitre, Inch'Allah. On va donc s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis au prochain cours, Inch'Allah, on va faire le chapitre 31, biznillah. Mais ce ne sera pas la semaine prochaine, ce ne sera pas cette fin de semaine qui s'en vient là. La prochaine, on ne va pas avoir de cours parce que je serai en France à ce moment-là, puis donc je ne vais pas donner de cours sur Kitab Tawhid. Peut-être qu'il y aura d'autres cours qui vont être donnés. Je ne sais pas s'ils seront diffusés ou non sur Paltalk. Mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'il n'y aura pas le cours Kitab Tawhid. Et on va reprendre ces cours-là seulement la semaine d'après. Ok. Et pour vous donner la date exacte, Inch'Allah, si vous voulez, je serai de retour, bi'idhnillah, vendredi. Non, ça c'est le... Ce sera samedi, donc dimanche le 17, on aura le prochain cours, et le 18 le lundi. Donc ça c'est à mon retour, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.